Le top des tops, c'est la radio Ndiragakura, disponible maintenant en ligne. Et oui, c'est sur le www.radiondiragakura.com. Radio Ndiragakura, poursuivant avec le dossier santé, les leaders religieux promettent d'apporter leur contribution pour une riposte pérenne et efficace contre l'épidémie de paludisme déclarée au Burundi depuis mars 2017 par la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbere. La promesse de cet engagement a été faite ce jeudi dans un atelier organisé par le réseau des confessions religieuses de lutte contre le sida pour la promotion de la santé en collaboration avec l'Agence consultative en éthique et coopération internationale, ACCI en sigle. Selon l'évêque du diocèse de Bubanza, Mgr Georges Bizimana, les leaders religieux ont affirmé qu'ils vont mettre un accent particulier sur l'encadrement des communautés à l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et vont poursuivre d'autres actions telles que le développe l'évêque de Bubanza. Nous allons travailler en synergie avec le ministère en charge de la santé publique pour que nos populations puissent avoir une meilleure santé. Parmi les engagements que nous venons de prendre, il y a en premier lieu l'engagement de bien encadrer nos communautés, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, les mouvements d'action catholique. Il y a aussi la visite dans les ménages, une pastorale de proximité, afin d'encadrer la population et voir comment les moustiquaires sont utilisés. Il y a aussi l'engagement important de promouvoir la recherche au niveau de la Caritas nationale. Il y a ce projet important de promouvoir ce secteur de la recherche en collaboration avec l'Université du Burundi. Il y a aussi l'engagement d'intégrer une action concrète de lutte contre la malaria. Un engagement aussi d'explorer les moyens médicaux employés afin de les améliorer. Renforcer la capacité des leaders religieux pour qu'ils soient capables de véhiculer un message clair. Il faut leur donner des informations claires et bien étudiées pour qu'ils puissent travailler en synergie. Il y a aussi le projet d'élaboration d'un guide des méthodes conventionnelles et non conventionnelles de lutte contre le paludisme. Le projet aussi de promouvoir les plantes médicinales avec une étude du potentiel actif. Il a été suggéré qu'il y ait une semaine de sensibilisation qu'on a dénommée Stop Malaria. Pendant cette semaine, le ministère pourrait collaborer avec les leaders religieux pour sensibiliser afin que nos populations soient amplement et bien informées sur la malaria, mais aussi sur les moyens dont ils peuvent se servir pour lutter contre ce fléau. Le top des tops, c'est la radio Ndiragakura, disponible maintenant en ligne. Et oui, c'est sur le www.radiondiragakura.com.